ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Bon dia la planète et bon dia les amis, j'espère que vous allez bien, on est en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. Voilà. On voulait souhaiter une très très bonne fête à toutes les tous les Patrick. Voilà, salut à Patrick. Si vous vous appelez Patrick, ce matin vous m'appelez 02 38 43 48 00 le 17 mars. Le 17 mars aujourd'hui fait ainsi référence à la date d'anniversaire de la mort de Saint-Patrick en l'an 461, considéré encore à ce jour comme le saint patron de l'Irlande. Voilà, donc on voulait souhaiter une très très bonne journée à tous les Patrick. Belle journée et soyez heureux avec le meilleur de la musique pour bien démarrer l'époque funky music. Evelyn Champagne, Evelyn King, My Love Is Right.

Estoy suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Ya andan cazando el hotel y lomo salvete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una pile charlatanes pa' darte fuerte. Que se aviten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como yo gavete. Yo soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiere buscar rebuleo del pueblo. Quiere mi que no le gusta el bling blineo. Perreo. Por ahí anda su novio en un fantambeo. Me está, que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Ya que se la han bajurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se repale, botel, dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Noche, tu 7h14, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous allez bosser aujourd'hui. On est en direct et le ciel est plutôt nuageux, mais le soleil devrait faire son apparition tout à l'heure. Les températures au max tout à l'heure, vers 13-14h, on va atteindre quand même les 15-16 degrés, mais le soleil par rapport à hier sera présent. Ça, ça va être une bonne nouvelle. Redactez-vous, c'est Francky dans la radio, 7h14 minutes. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et une nouvelle journée de grève et de manifestation ce jeudi pour l'augmentation des salaires et des pensions. Après la mobilisation du 27 janvier dernier, les syndicats CGT, FSU, Solidaire, UNSA et plusieurs organisations lycéennes appellent à une nouvelle journée de grève aujourd'hui, donc à Orléans. Ça démarra vers 10h30 vers la mairie. Voilà, donc soyez patients si vous croisez ces personnes. Hein, soyez solidaires aussi, voilà. CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF pour manifester pour l'augmentation des salaires et des pensions. C'est ce jeudi, donc bah, prévoyez peut-être des ralentissements du côté d'Orléans-Sens si vous y rendez ce matin. Le meilleur des souvenirs pour bien démarrer cette matinée, 7h15, Jean-Luc Ley, le meilleur du 180. chanson qu'il vous faut dans la bagnole le matin. Bah ouais, le Jean-Luc Lay, là, avec Femme. On adore, on adore. 7h18, belle journée. Et bon réveil, bon petit déj aussi à Benoît qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux ce matin, mais les éclaircies devraient apparaître cet après-midi. 3 petits degrés au lever du jour et on dépassera les 14, 15, 16 degrés sur Orléans, Pithiviers, Blois, Main-sur-Loire, encore Saint-Yves. Bon petit déj à tous. Si vous venez d'arriver du côté d'Arc-en-Ciel Orléans, 96 de FM, le meilleur du son pour bien vous réveiller. Et Imani, celle que vous adorez le matin au réveil. Don't be a so shy. Bonne douche. Bon petit déj à tous. Your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my heaps in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Avec Imani, Radio Arc-en-Ciel, 7h22, des bons plans aussi pour sortir le chapiteau, ce bal salle d'expo, vous accueille du 25 mars au 3 avril pour la foire de printemps d'Orléans qui fête ses 100 ans, à ne pas rater, du 25 mars au 3 avril et c'est à Fleury-les-Aubrais au chapiteau. Tu m'illumines quand il fait chaud. Tu sais danser tout tcha tcha. J'aime jouer au okay, la mise. Mais je te laisserai gagner pour finale. Et au matin ça se fera. Les voyages à Bébo. Mini-ju, coquine avant de tous les gens le go. Uno, dos, tres, fini, paille. Ferme les yeux, on y va. Ne t'aime pas tout tcha tcha. Vas-y, l'île, bébé, 5, 4, 6. face ou ton style ne me laisse pas insensible. Comment résister à ton charme, bien danser. Tu m'élimines, j'ai pas de mots. Tu sais chanter tout cha cha. Désolé, ok la mise, mais là j'avoue tu as gagné ce soir. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ciel, 7h28, l'été 86, qu'est-ce qu'on a pu faire la fête là-dessus? Rappelez-vous, hein, 18 semaines, numéro 1 au top 50, et c'était indémodable à l'époque. Et toujours d'ailleurs dans les mariages, dans les mêmes discothèques encore un petit peu, ouais, les démons de minuit se rappellent le meilleur des moments. Et puis histoire de faire du sport aussi sous la douche, peut-être vous ce matin en train de bien vous frotter le popotin, et ben Eric Prydz, le DJ qui a fait un tube à l'époque, elle est toujours d'actualité. Avec Call on Me, belle journée, bon petit déj à vous, si vous voulez d'arriver du côté d'Orléans, Main-sur-Loire, Saint-Jean-de-Bray, c'est Lolo qui nous dit salut Francky, merci pour le démon de minuit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait des cauchemars. Ah, t'as rêvé de moi peut-être. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel 96.2 et FM, un peu de sport ce matin. Hop, hop, on se bouge, 1, 2, 3, sous la douche, 1, 2, 3, allez on frotte. Soleil dès 7h avec Francky. morceau Radio Arc-en-Ciel, Kylie Minogue, Better the Devil, you know, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. On vous réveille à coup de pelle ce matin, bah oui, pour les retardataires, là, ceux qui sont à la bourre. Et ça arrive, hein, ça, le matin, de se lever à la bourre, dire « Oh là là là là, le réveil a sonné, trop tard, ça y est !» Eh ouais, moi ça m'arrive souvent d'ailleurs, hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky, jusqu'à 9h. Ce matin, le meilleur des souvenirs, on vous accompagne jusqu'à la porte du bureau, si vous avez une porte, hein. Ouais, si vous n'avez pas de porte, bah tant pis pour vous. En tout cas, on salue Estelle qui est connectée du côté de Olivier. Salut Francky, à fond dans la bagnole, Radio Arc-en-Ciel. J'ai pas la FM dans la bagnole, mais j'ai l'application, bah voilà. Vous aussi peut-être. Amy Stewart, le meilleur des années 78 avec Nahawad. Oh, il est mignon sur la caméra. Alors le petit chien sur la caméra. Mon poupouf. On est du fou le matin. Ah, ma petite ivoire aussi qui vient de se réveiller. Moi oh, c'est Mimi, le petit chien qui se réveille comme ça. Allez pissette. On est en live, je vous souhaite une très très bonne journée. 7h39 minutes. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Bah oui, jusqu'à la porte du bureau. Salut Joël et Olivier qui sont connectés du côté de Main-sur-Loire, direction le taf pour eux aussi. Elisabeth aussi, à Saint-Jean-de-Lard. Well, elle travaille dans une grande surface. Bah oui, on lui souhaite plein de belles choses. Et vous, de côté de la radio, qui allez bosser ce matin, José qui est connecté depuis 6h30. Salut mon José, dans le camion déjà, direction Blois. Plein de bon courage à tous ceux qui bossent dans le BTP. Faites gaffe aujourd'hui. Des manifestations sur Orléans Centre. Bah oui, pour la hausse des salaires et des pensions. Voici le meilleur de la musique, Earth, Wind & Fire. Oh, le meilleur des souvenirs. On a fait la fête là-dessus, on a dansé. Et ça y est, les discothèques, c'est ouvert. ce que me dit Manu sur internet. On était faire la fête ce week-end en boîte, ça nous a rappelé vraiment des souvenirs. Alors pas de masque, plus de passe maintenant. Et ce week-end là, vous allez pouvoir aller en boîte sans passe. Hein, ça va être bien. On va pouvoir enfin revivre. Sing Alléluia, le meilleur des années 90, 7h44, belle journée et bon petit-déj sous le soleil aujourd'hui parce que le soleil va arriver en début d'après-midi jusqu'à 15 degrés. Sing Alléluia, le mec il a fait un titre, c'est celui-là, hein. C'est docteur Alban, il était docteur Alban avant, maintenant il est Alban, il fait plus rien maintenant, il est à la retraite, ouais, il est vieux comme nous. Belle journée, bon petit-déj. Direct avec Dr Alban, les années 90, et notre invité qui arrive au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh, c'était pas prévu, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Papa, Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Francky, bonjour à tout le monde. Comment il va bien, mon papa Patrick? Eh ben, écoute, là, je suis en train de marcher pour m'entraîner, puisque je pars le 19 avril. Eh ouais, à Compostelle. Sur Saint-Jacques. Ouais. Et donc, là, je vais faire à peu près une dizaine de kilomètres ce matin. Ah oui, carrément, Patrick, bravo, félicitations. Et puis, bonne fête aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Patrick. Merci, Francky. Alors, considérez qu'encore ce jour comme le Saint-Patron de l'Irlande. Donc, le boss de l'Irlande, c'est toi. Voilà. Tout à fait. Je sais pas si je suis le boss, mais en tout cas, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, j'avais été en Irlande fêter la Saint-Patrick. Ah ouais, ça va être la fête là-haut, un coup de bière. Non, t'es pas trop bière, toi. Tu picoles pas trop de bière, toi. Il y a toute une ambiance un peu spéciale là-haut, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Bon, ben, en mode sport pour fêter la Saint-Patrick aujourd'hui. Écoute, c'était peut-être ce soir, je sais pas trop, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, donc d'abord je rentre chez moi après mes 10 kilomètres, ah oui. Après on verra. Bon bah écoute Patrick, on te souhaite une très bonne fête ce matin déjà, hein, et puis profite, fais du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète aussi, voilà. Ok, puis ben, je souhaite aussi une bonne fête à tous les Patrick qui nous écoutent. Et j'espère que tu nous appelleras quand tu seras sur le chemin de Compostelle. Mais bien sûr, de toute façon, je t'appellerai au mois d'avril. Ah oui. Puisque je fais une partie. Au mois de mai, j'en fais une deuxième partie. Donc, où on part avec 33 personnes de l'association faire le chemin sur le Camino Frances. Ouais. Donc, à ce moment-là, effectivement, je vous appellerai. Comme tout le temps, à chaque fois, il n'y a pas de problème. D'accord, mon Patrick. Et ben, bon sport et puis bonne fête, papâtre. Merci. Salut, merci mon ami. Ouais. Merci, au revoir. Ouais, salut à vous, les Patrick. Je voulais aussi avoir une pensée pour mon ami Pépette qui nous a quitté il y a quelques années. Voilà, mon Pépette Patrick qu'on adorait sur Orléans, quelqu'un qui se prépare, qui part tour, là, on la voit, voilà. C'est la vie, c'est Khaled qui arrive, et ça, vous adorez, c'est la Radio Arc-en-Ciel dès le matin. Heureux d'être avec vous, c'est Francky, jusqu'à 9h. Yeah. 7h, le matin c'est bien et c'est funky. la Magic System, Gaou à Oran, le petit remix, histoire de vous réveiller à 8h02. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. On est tout le cœur avec vous, la météo qui arrive. La météo. Le ciel ce matin est couvert, nuageux, mais le soleil va faire son apparition courant de la journée. Les températures ce matin, 3 petits degrés, ça fait un petit frisqué, mais ça va s'améliorer. 14-15 degrés ressentis sur Saint-Jean-de-Bray, Orléans, Olivet ou encore Saint-Jean-de-la-Rouelle. Donc ça va être du soleil aujourd'hui, normalement cet après-midi. Ça c'est la très bonne nouvelle. Le soleil, ben justement, il arrive avec Fabian, Juan Mai, on aura Nicky Jam, hein, et puis on aura aussi Elvis Crespo, et puis le meilleur des souvenirs avec un dieu de la musique qu'on adore et qu'on adore toujours sur Radio Arc-en-Ciel avec George Michael. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Elle fait tourner la cabeça et elle en joue. Elle me rend fou. Abusadora, que te devora. Dans sa pleure, regarde, se fait tourner la cabeça. Abusadora, que te devora. C'est une femme totalement venenosa. Tu as désiré, elle emploie un sourire qui sauront te charmer. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Elle fait tourner la cabeça et elle en joue. Elle me rend fou. Abusadora, que te devora. Dans sa fleur, regarde, se fait tourner la cabeça. Abusadora. C'est une femme totalement vénénosa. La la la, c'est une vraie mentirosa. Oh eh oh, la la la, elle fait tourner la cabeza. Oh eh oh, abusadora que te devora. Fabián es por mí. Abusadora que te devora. Oh la la la. C'est une femme totalement vénénosa. La la la, c'est une vraie mentirosa. Oh eh oh, la la la, elle fait tourner la cabeza. Oh eh oh, oh eh oh, oh eh oh, Radio Arc-en-Ciel en direct ce matin, on est heureux de vous retrouver comme tous les matins. D'ailleurs, et ne ratez pas cette belle soirée, le bal de la radio, ça sera le samedi 30 avril à partir de 21h. Ça va se passer à Saint-Privé, Saint-Mémin. Elle sera sur scène, c'est Agatha sur Radio Arc-en-Ciel. Et je confiava quand tu chegavas tarde à jantar. Et sans qualquer conversa, dizias depressa, estive a trabalhar. Sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim. E eu ia no teu jogo e punha as mãos no fogo que não era assim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Quero ver.

Evo, Rome, Urba, aquí en The King of Romance, KY, Human Voodoo, Yome. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Oui, tu sais que je te regarde bien un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je vais respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser. Masquer sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Que tu veux, alors laisse-le faire bam bam. Écoutez à ma bouche et dis-moi comment tu te sens. Je veux, on va savoir ce que tu ressens. Je ne suis pas pressée, l'important est faire le voyage. Partir lentement puis devenir sauvage. À pas, pas à pas, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. J'aime quand tu m'embrasses, j'aime quand tu m'enlaces. Je vois ta malice, mais toujours avec la zappe. Je me rapproche de toi, je laisse passer le temps, je m'en fais pas. C'est vrai que ta beauté est pour moi un dilemme. J'ai trouvé la solution à ce problème. Dans les vagues avec le vent dans le dos. Je veux qu'à jamais tu te souviennes de ces mots. Pas à pas, pas à pas, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. Que tu apprennes mes lèvres, ces endroits que je ne connais pas. Pas à pas, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. On adore sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil et une bonne fête à tous les Patrick, parce que c'est la Saint-Patrick. Ouais, c'est les dieux de l'Irlande, c'est le Saint de l'Irlande. On vous adore. Patrick qui va préparer Compostelle, qui est en train de faire 10 bornes quand même. Hein. Salut à Estelle aussi, salut à Edouard, salut à Fabien qui est connecté du côté de Saran. Salut Francky, belle journée à toi, même si je m'appelle pas Patrick. Voilà, vous pouvez aussi faire la fête ce soir. Pourquoi pas, un bar, un resto, faire la Saint-Patrick. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est... dangereux pour la santé, avec modération. Le son Espagne avec Elvis Crespo, tu sonorisa, et le fameux George Michael qui arrive, et le Kalash Whispers, le slow qu'on attend avec impatience pendant c'est dans la bagnole. Bonne courage à vous si vous arrivez sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Pithiviers, voici Elvis Crespo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Te estaba buscando. Es que yo sin ti. Oh no. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Radio Arc-en-Ciel, belle journée, bon courage à vous si vous allez au taf ce matin avec Nicky Yam, elle perdonne l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et oui, c'est maintenant et on démarre avec les béliers ce matin. Vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans votre vie et votre vie de couple surtout. Les taureaux, vous aurez une chance insolente si vous êtes seul aujourd'hui. Les gémeaux, on fera appel à vous pour un problème ardu ce matin. Les cancers en couple, c'est l'harmonie, le bonheur aujourd'hui. Tout vous sourit et ce n'est que mal que vous êtes donné. Ah voilà, enfin une bonne nouvelle pour les cancers. Les lions, les échanges avec l'entourage familial sont favorisés aujourd'hui. Les vierges, en famille, quelques accrochages risquent de se produire aujourd'hui. Les balances, vous plaisez sans effort, ce qui va regonfler votre estime personnelle. Les scorpions, si vous êtes un cœur à prendre, vous pourriez faire une rencontre excitante aujourd'hui. Les sagittaires, aujourd'hui, tout vous semblera plus simple et sans que vous vous en rendiez compte. Les capricornes, vous faites une entière confiance à votre partenaire et personne ne parviendra à vous faire changer d'avis. Les Verseaux, il convient de rester aimable avec votre entourage familial, même si vous êtes avec quelques différents en ce moment. Et les poissons, plus secrets que jamais, vous vous enfermerez dans votre coquille. Une coquille pour les poissons, c'est pas facile. Hein. Angela qui arrive, on adore, avec la reprise des Science Sopa Crew. C'est Attic sur Radio Arc-en-Ciel. 8h30, belle journée, bon petit-déj et courage pour le taf. Ouais, c'est pas facile, José, mais on est là pour vous donner le smile, le sourire en anglais. Bon dia la planète, hein. Ton visage me dit quelque chose. J't'ai déjà croisé dans la ville. J'vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux ta pêche, j'serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, j'te vois derrière les vitres teintées. Ça sent fait qu'il t'est rinté. Regarde-moi dans les yeux. Souvenir d'Amérique. Mais là j'ai envie de

Love and Jimiro qui est dans les studios, il se déshabille, enfin il enlève son blouson, hein. Il se met pas tout nu, hein. Rassurez-vous. Hein. Heureux de le retrouver, ça fait longtemps que je n'avais pas eu le petit Jimiro. I love men, on aime les hommes, on aime les femmes, tout le monde s'aime sur la planète. Si on pouvait tous s'aimer et arrêter la guerre en Ukraine, ça serait bien. Hein. Si on pouvait appeler Poutine et lui dire allez stop, hein, ça serait pas mal aussi. Hein. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée, 8h44 minutes. On vous rappelle le bal de la radio, je vais vous en parler tout de suite. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est... Et là, ça va vous réveiller, ça va vous faire la fête même. Je vous rappelle le bal de la radio. C'est le samedi 30 avril pour fêter les œillets. Radio Arc-en-Ciel se mobilise pour fêter sa grosse, grosse soirée. Ça se passe le samedi 30 avril à partir de 21h. Et c'est à l'espace de la salle de Saint-Privé, Saint-Mémin. Venez nombreux et nombreuses applaudir la grande chanteuse Agatha sur scène, suivie de la première partie de Capanègre, les habitués des bals de la Radio Arc-en-Ciel. Donc vous pouvez toujours vous inscrire, l'entrée c'est 10€, pour les adhérents c'est 8€, donc n'hésitez pas à nous contacter ici à la radio, c'est le plus en renseignement. La soirée, je vous rappelle, le samedi 30 avril, Agatha, grande chanteuse de Portugal, qui sera là sur scène pour vous ambiancer tous et toutes. Voilà, ça va être une très très belle soirée, je vous rappelle cette date à retenir, et n'hésitez pas à vous procurer rapidement vos places, 02 38 43 48 00. On vous donne les bonnes informations, si vous voulez plus d'informations sur le bal de la radio, ben n'hésitez pas. 02 38 43 48 00, samedi 30 avril, Agatha sur scène avec Capanègre, Enrique Iglesias qui arrive, et puis le meilleur de la musique, on adore, et ouais, Sean Paul aussi on aura, et puis Shinner Clowns, le meilleur des slow, bah oui, comme ça, tout en douceur pour vous emmener jusqu'à 9h, jusqu'à l'arrivée de l'Algemiro. Can take away this blues, 'cause now Radio Conseil en direct ce matin. Nothing compares to you, Shinee Okonos. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On est dans la radio, il y a Algemiro qui s'installe et bidouille de micro. Bonjour Algemiro. Bonjour pas Francky, comment tu vas? Bah ça va bien, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ah ouais, ouais, de temps en temps je suis là, des fois je suis pas là, mais là je suis là, comment t'as vu là? Ah ça y est. Ouais, ça y est, je reviens, hein, vous inquiétez pas les auditeurs, je suis bien ancré dans la radio. Non, bah je me suis dit, ça y est, les boîtes ils sont ouvertes. Non, non, non. De sa boîte, et non, puis... bah je m'occupe de tout, hein, je fais tout rien, mais bon, après j'essaie de trouver un peu de temps. Mais non, mais ça va. Bon, bah ça va. Ouais, je suis content, ça fait un peu, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et puis bon, ça fait ma 7e année à la radio. Ça fait, ouais, ouais. Ça passe, ouais. Hein. Bah oui, j'ai vu ça l'autre jour, là. Tu sais, les rappels Facebook, tu vois, les souvenirs, 7 ans. Ouais, ah ouais. Ouais. Bon, bah, bien, je suis content bien. De te retrouver. En tout cas, Algemiro en pleine forme. Ouais, ça va, ouais, comme ça d'habitude. Va. Comme d'hab, toujours en pleine forme, là, Algemiro, que vous retrouvez tous les jeudis. Ouais. Tous les jeudis matin. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, T'as pas envie de changer de créneau, non? Tu peux pas faire, faire le vendredi ou le lundi, non? Ah, ben ça, c'est la direction. Ah, qui est... c'est pas moi qui. Non, bah, apparemment, tout est pris tous les jours. Je sais pas, au moins que. Moi qui aurais quelque chose de plus. Ah ouais, bon, on lance un message à la direction. Ils doivent nous écouter, je suppose. Bah, surtout moi. Non, c'est vrai que des fois, j'aurais pu faire un vendredi après-midi. Ah ouais, je sais rien. Bah, si tu veux, moi je te file un créneau. Hein. Mais bon. Ils nous écoutent, voilà. La direction, on les salue au passage. Bonjour à tout le monde. Il a la voix de Roberto, on m'a dit. Ma copine, elle me dit que t'as la voix de Roberto de Radio Latina. Ah peut-être. Bah, ouais, il a la voix de Roberto, hein, c'est Roberto de Radio Latina qui est avec nous. Non, bah, je lance un message, hein, la direction s'ils nous écoutent, bah ils doivent écouter, surtout moi, ils m'écoutent, hein. Avec les conneries que je raconte. Non, je rigole, bah voilà, Algemiro, il cherche un petit créneau. Hein, Non, je cherche rien du tout, mais... Je fais ton CV, moi, ce matin. Non, mais des fois que, bon, il y a bien des animateurs qui font plusieurs fois, plusieurs fois. Bah, comment? Ouais, voilà. Bon, voilà, donc, voilà. C'est bien. Bon, l'émission qui va démarrer dans 8 minutes. 8 oui, minutes. À 9h pile. Ouais. Au programme ce matin, comme d'habitude, ou alors comme d'habitude, un peu. Alors, un ce qui est bien dans ton émission, toi, moi, j'écoute un petit peu quand je vais dans la bagnole, là. Ouais. J'écoute, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a un peu de tout, oui. Ouais, un peu puis c'est jamais la même chose. Je ne dis pas que c'est des fois les mêmes chanteurs que la semaine d'avant. Ouais. Parce qu'il y a des chanteurs qui ont plusieurs chansons, donc on change les chansons. Le chanteur, des fois, on change le CD. Tu tournes le CD ou la cassette. Non, pas juste. Tu te rappelles à l'époque quand il y avait des cassettes encore à la radio? Ah oui, ah, oui. Je me souviens. Le mini-disque. Les cassettes. On a évolué, on a informatisé maintenant. Je m'en sers même plus des CD maintenant. Ah ouais, t'as plus, et plus rien. Non, c'est moderne maintenant. Avec le USB. Ah oui, avec l'USB, il y a le logiciel, il y a tout. Voilà, il y a tout, donc ça c'est quand même mieux. On est bien équipé. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça là-dessus, c'est très bien. On est très bien équipé à la radio. Une belle radio en tout cas. Il faudra venir visiter, on va faire les portes ouvertes un jour. Je veux dire à la présidente qu'on devrait faire des portes ouvertes de la radio. Ça serait sympa que les gens viennent visiter un peu. Bon, ça fait pas 4000 mètres carrés, mais bon, il y a quand même des petits trucs à visiter. Parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau bureau en face là. Oui, il y a un nouveau bureau. C'est le bureau qui dit, c'est la direction, non? Ah bah certainement. C'était mon bureau qui disait non. Je pensais qu'il me faisait un bureau avec marqué Francky sur la porte. Je rigole, bien sûr, c'est le bureau. Non, je crois que c'est le bureau de la patronne. Peut-être. Bon, on ira cogner là-haut quand on s'est convoqué. C'était un petit grenier avant, tu sais. Ah, c'est un grenier, oui, je me rappelle. Un truc à bordel, hein. Il y avait du bordel là-dedans. Des appareils qui étaient. Ah, il y avait tout là-dedans. Table de mixage. C'était la réserve. Voilà. Voilà. Quand on s'est convoqué, ça, c'est bien parce que. Non, là, c'est bien, c'est propre. C'est juste en face, t'as vu? Quand tu s'est convoqué, ou toi ou moi, hein. Moi, surtout moi, mais moins toi, peut-être. Mais quand je serai convoqué, moi, je vais attendre devant la porte, là. Il y a une salle d'attente, en fait, à côté. Algemiro avec le meilleur son du Portugal qui arrive à 9h. Et vous aurez du rock, il y a quoi? Du fado, il y a quoi? Ah oui, un petit peu de fado aussi. Pour ceux qui aiment le fado. Si vous aimez le fado, ben voilà, ben vous allez être servi avec. Il y en a. Il y a toujours un ou deux fados pour les gens qui aiment ça. Le fado, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs français par exemple, c'est la musique tranquille, c'est calme hein, comme musique. Hein. Ouais, c'est un peu nostalgie, un peu de tout. Une musique que c'est unique. Il y a que les Portugais qui chantent le fado. Hein, Par contre, faut pas avoir envie de dormir, hein, parce que c'est pas ça. C'est on peut ronfler avec ça. Le fado, si tu veux, ça dit beaucoup de choses, quoi. Ah ouais, c'est une histoire. Bah, des histoires d'un déchirement, d'une histoire. d'amour, je sais pas, moi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est une histoire. Ça raconte une histoire. Voilà, si tu veux, c'est un film à raconter en 3 minutes, quoi. 3 minutes, voilà. Marion, voilà. Bah, comme ça, si vous voulez voir un film en 3 minutes, et bah, rendez-vous à Jimiro. Ouais. Si on dit, en principe, c'est ce qu'on dit, quoi. Est-ce que c'est la logique? Est-ce que c'est avec les notes du solfège? Tu sais, il y a do, ré, mi, fa, do. Ça vient de ça ou pas? Un peu, peut-être. Ah, oui, peut-être. J'en ai pensé, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un truc, voilà, faut aller à Lisbonne, faut faire une soirée de fado. Restaurant, des restaurants. Je vais bientôt y aller, on va bientôt y aller. Des restaurants qui font ça tous les soirs. Ouais. J'irai là-haut, Le chanteur, la chanteuse, il vient chanter en direct. C'est bien, ça. Et sans micro, des fois. Sans micro, comme sans ça, micro, à accompagné ouais, avec deux guitaristes. Ouais, ouais. Et puis voilà. Tang, tang, avec une petite guitare. Voilà, ouais. Je vais y aller. C'est bien. Ouais, moi, le problème, c'est que je dors vite, moi. Alors, dès que je ronfle, moi. Si je ronfle dans le restaurant, ça craint. Non. Merci, Algemiro, à tout de suite. Allez, il arrive à 9h. Bonne journée, Algemiro. Merci, Algemiro, en direct. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie.